À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, les rassemblements de célébration et les séances de films ont eu lieu les 10 et 11 courants en Angola et au Nigeria. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée » en présence du maréchal Kim Jong-un et « Avenue des scientifiques Miri ». Les orateurs y ont indiqué comme ce qui suit. Le président Kim Il-sung a conduit à la brillante victoire la longue lutte armée anti-japonaise et a libéré la patrie. La libération de la Corée a marqué un tournant historique dans le remodelage du destin du peuple coréen.